Oh là là, putain. Il est où ce portable? C'est qui ça encore? Encore un appel caché en plus. Ouais, allô, c'est qui là? Ouais, c'est JD là, j'ai touché de la bombe de Toshi là. Vas-y, passe à la zombie. T'es dingue, qu'est-ce que tu me dis au phone? Y'a peut-être l'énergie à l'autre plus fil, enfoiré, tu veux m'aigrir? Allô? Allez, vas-y. Oh l'en... Il m'a raccroché au nid. Je conduis, je parle sans petite main libre. J'ai pas trop de temps libre. J'arrive pas à me garer quand j'ai pas les mains libres. J'ai plus de 2 heures de retard et plus le temps d'entendre des histoires. Ah, mais t'es où? Tu fais quoi? Y'en a marre, c'est pas le moment. J'arrive ce matin tout en m'excusant. Ah, excusez-moi. Putain, il me lâche pas un instant, c'est flippant. C'est quand je veux pas l'entendre que je l'entends. Ouais, allô, c'est qui là? Merde, c'est maman. Est-ce que tu peux m'accompagner à la mairie? Comment lui dire non? Obligé de feinter. Maman, je capte mal là. Est-ce que je peux te rappeler? Question de respect. Obligé de raccrocher discrètement, d'éteindre discrètement. On peut y aller maintenant. Doudou, y'a le téléphone qui sonne. Et y'a jamais personne pour répondre quand je te forme. Ça coupe, ça capte mal, ça déconne. Ça se perd, ça se prête, ça se vole. Mais je veux pas me passer de fort. Et même quand moi doudou, je suis avec ma doudou. Oubliant que dans ma poche j'ai jaloux. Tu peux être sûr, tu gâches le plaisir, me fait mentir. Des fois j'en transpire, mais faut pas que l'amour ait mauvais goût. Je continue les bisous dans le cou, je le laisse sonner, je m'en fous. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, parle au répondeur à tout à l'heure. Quand je dors, ou sous la douche, au cinéma, c'est toujours louche. Au moment du suspense, je me fais des ennemis. Sonne à l'endroit que les films, le flip m'a sonné. Oh, il va arrêter de nous saouler avec son portable, lui. C'est pire qu'une comédie, pire qu'un meufi. Et quand je réponds, y'a le double appel qui m'aigrit. V'là les soucis quand je crois que tu parles à mes sauces. Allô, ça gorge idée là. Qu'est-ce que tu m'appelles toi? Eh, hey, Allah, c'est comme ça que tu parles à tata. Ah, mais non, tata, t'as mal entendu. C'est rien que des malentendus. Au fond d'elle, ça ment, ça gruge, c'est tendu. Doudou, y'a le téléphone qui sonne. Et y'a jamais personne pour répondre quand je te forme. Ça coupe, ça capte mal, ça déconne. Ça se perd, ça se prête, ça se vole. Mais je veux pas me passer de fort. Je fais la queue à la poste, ça m'affiche, alors là je triche. Vas-y, je te rappelle, je passe sous un tunnel. Mais quand là, une meuf m'appelle, change de ton, c'est pas un ton. Allô, ouais, salut. Allô, ça va bien. Au fun d'elle, on fait tous plus ou moins les gospos. Sauf quand tu te fais choir à part des gosses, bon. Oh, il tue ce portant. Oh, j'ai touché. Bref, passons, c'est toujours quand t'attends un coup de fil important. Tes potes se donnent rendez-vous sur ton portable. Eh, hey, qu'est-ce que tu fous? Je fais rien là. Eh, hey, t'es où là? Là, là. Ça peut durer des heures si t'as rien à treuf. Comme par hasard, quand vient ton coup de fil, c'est toujours une galère avec ses phones sans fil. Comme dans le genre, tu capes plus. C'est quoi le délire? Mais le vrai, là, ta batterie ne marche plus. Putain, merde! Là, tu l'entends, toi, tu l'entends allô, plus. Allô, allô, t'entends? Messagerie de but. Interférence et ligne interrompue. Et voilà, portable voilà. Perdu, portable foutu. Putain de portable. Doudou, y'a le téléphone qui sonne. Et y'a jamais personne pour répondre quand je te forme. Jamais personne. Ça coupe, ça capte mal, ça déconne. Ça se perd, ça se prête, ça se vole. Mais je veux pas me passer de forme. Doudou, y'a le téléphone qui sonne. Et y'a jamais personne pour répondre quand je te forme. Bien sur le répondeur de mon papa. Vous pouvez laisser un message après le bip? Merci.